Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Aujourd'hui, le 30 du mois de Muharram de l'année 1444, après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons cette 28e assise de notre série d'assises sur le commentaire du livre Les fondements de la Sunna ou sur le Sunna de l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal. Rahimahullah ta'ala. Cette assise sera l'avant-dernière, incha'Allah ta'ala, de notre série d'assises. Cette assise qui commence par la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah, dans le sens, à titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a trois qualités, et quiconque les possède est un hypocrite. Puis il dit, rahimahullah, dans le sens, dans le but de faire peur. Le titre qui a été donné à cette partie est accepter les textes même si l'on ignore leur explication. Comme je l'ai dit à la fin de l'assise précédente, ceci est un grand fondement, un fondement très important, des fondements des gens de la Sunna. Le fait d'accepter les textes même si l'on ignore l'explication de ce texte. Est-ce qu'on comprend de cette phrase que on œuvre avec ignorance? Ce n'est pas ce qu'il y a à comprendre de cette phrase. Puisque les gens de la Sunna œuvrent selon une science certaine qu'ils ont. Comme cela, l'imam al-Bukhari, comme vous le savez, rahimahullah, dans son livre Sahih, a dit le chapitre, la porte de la science avant les paroles et les actes. Babul ilmi, qabla al-qawli wal-amal. Donc, parmi les fondements des gens de la Sunna, et qu'ils apprennent avant de parler et d'œuvrer. Ce que nous comprenons de ce titre ici, comme je l'expliquais la semaine dernière à la fin du cours, est que les gens de la Sunna prennent et acceptent les textes qui sont venus dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et dans la Sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ceci sans les dénaturer, les contredire avec des idées qu'ils pourraient avoir, avec leur propre raison, leur raisonnement personnel et autres. Et ce fondement-là a déjà été évoqué par l'imam Ahmed au début de son épître, si vous vous rappelez. Et je vous avais dit la semaine passée que j'avais donné un autre titre aussi à cette partie-là, qui est, donc les titres qui sont donnés ici, ce ne sont pas des titres qui sont donnés par l'imam Ahmed, vous avez compris. J'avais donné un autre titre à cette partie-là qui est des exercices pratiques de ce que nous avons étudié précédemment. Donc ici, l'imam Ahmed rapporte certains textes qui vont nous servir à nous à appliquer certaines règles que nous avons vues dans le livre, dans cet épître. Il dit par exemple ici, à titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a trois qualités et quiconque les possède est un hypocrite. Il dit ici, un hypocrite, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Rabi' nous dit, hafidahullah, lorsqu'il a parlé de l'hypocrisie, qui est le fait de présenter un aspect islamique et dissimuler la mécréance, puisque c'est ce que nous avons étudié la semaine passée, l'hypocrisie qui est idharu al-islam wa ibtanu al-kufr, donc afficher l'islam et dissimuler la mécréance. Il dit donc qu'il est le fait de présenter un aspect islamique et dissimuler la mécréance. Il a cité des hadiths qui parlent des signes des hypocrites. On a détaillé la semaine passée, si vous vous rappelez, que l'hypocrisie chez les gens de la Sunna est de deux sortes. L'hypocrisie chez les gens de la Sunna est de deux sortes. Comme la mécréance chez les gens de la Sunna est de deux sortes. Comme l'association chez les gens de la Sunna est de deux sortes. C'est-à-dire qu'ils font un détail au niveau des textes qui sont venus dans le Coran et dans la Sunna. Ils prennent les textes dans leur ensemble, dans leur globalité. Ils ne se contentent pas de prendre un texte et de le généraliser à la manière de Al-Khawarij et de Al-Mu'tazila et des gens de la Bid'a de manière générale. Et c'est ce que veut dire ici l'imam Ahmed lorsqu'il évoque ses ahadiths et ses points. Et c'est pour cela que ce passage a été appelés et titrés par accepter les textes, même si l'on ignore leur explication. Donc les gens de la sunna acceptent l'ensemble des textes. Et ils regardent, avant de donner un jugement, l'ensemble des textes. Comme le dit Shir un peu plus tard, il dira « Quant à ceux qui sont bien enracinés dans la science, voici leur méthodologie. Regrouper les textes, les harmoniser et les associer de telle sorte qu'il soit possible de les mettre tous en valeur. » Une règle que j'ai évoquée précédemment est « Al-aslu fi d-dalil, al-i'mal, la al-i'mal » Dans le sens, la base dans la preuve, ou à propos de la preuve, ad-dalil, est d'utiliser cette preuve et non de la délaisser. C'est-à-dire qu'une preuve, un texte du Coran ou un texte de la Sunna, la base concernant cette preuve, c'est que tu vas l'utiliser, l'appliquer, et non la mettre de côté. Donc les gens de la Sunna, leur méthodologie, comme vous venez de l'entendre, est qu'ils prennent l'ensemble des textes et les harmonisent pour pouvoir les appliquer tous ensemble. Ici, Ashir nous dit, il a cité des hadiths qui parlent des signes des hypocrites. La semaine passée, comme nous avons vu, donc l'hypocrisie se divise en deux. L'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. Ou, comment certains des savants les ont appelés. Fadal. L'hypocrisie dans la croyance et dans les actes. Ahsantum. Donc, an-nifaq ou al-aqadi ou al-i'tiqadi ou an-nifaq ou al-amali. Et donc, la grande hypocrisie ou l'hypocrisie majeure est laquelle ? Dans la croyance. Et l'hypocrisie mineure est celle dans les actes, dans la pratique. L'hypocrisie majeure fait sortir de l'islam, puisque la personne affiche l'islam, mais dissimule la mécréance. Elle n'est pas rentrée dans le cercle de l'islam de base. Mais l'hypocrisie mineure ne fait pas sortir une personne de l'islam. De même que la mécréance majeure et la mécréance mineure. De même que l'association majeure et l'association mineure. À l'inverse de l'Khawarij et de l'Mu'tazila et des gens de l'innovation qui suivent leur méthodologie, ces derniers ne font pas de différence. Car pour eux, la mécréance est de la mécréance. Une personne qui a fait de la mécréance sort de l'islam. Une personne qui a fait de l'association sort de l'islam. Une personne qui pratique de l'hypocrisie sort de l'islam. Ils ne font pas cette différence à la manière des gens de la sunna. Et comme nous l'avons vu, même cette appellation de petite association ou d'association mineure et d'association majeure, comme de mécréance majeure ou de mécréance mineure et d'hypocrisie majeure et d'hypocrisie mineure, sont des termes qui trouvent leur base dans la sunna et la voie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, ceci en réponse à ceux qui disent, vous inventez dans la religion des appellations. Vous divisez le tawhid en trois catégories. Vous divisez le shirk et le kufr et le nifaq en plusieurs catégories. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. » Il dit, la chose que j'ai le plus de peur pour vous, ou la chose que je crains le plus pour vous est le petit polythéisme ou la petite association ou l'association mineure. Donc nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce terme. De même, les compagnons, dans plusieurs de leurs paroles, comme dans la parole d'Ibn Abbas, par exemple, radiyallahu anhuma, qui était appelé donc l'interprète du Qur'an, dans l'interprétation de certains versets, comme certains versets de Surat al-Ma'ida, comme nous avons vu précédemment, détaille la mécréance en deux sortes. Il dit mécréance majeure et mécréance mineure. Donc c'est une chose qui est venue dans la sunna et qui a été empruntée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in. Donc nous faisons cette différence pour différencier ces textes. Les gens de la sunna font cette différence pour différencier ces textes. Ces textes dans lesquels a été rapporté, par exemple, il y a trois qualités et quiconque les possède est un hypocrite. Ici, les gens de la sunna ont regardé quelles sont ces qualités-là, quels sont ces attributs-là qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En prenant l'ensemble des textes du Coran et de la sunna, nous voyons que ces attributs qui ont été évoqués, si ces attributs se retrouvent chez quelqu'un, il n'y a pas de preuve que ces attributs font sortir une personne de l'islam. Si on retrouve ces attributs-là que je vais citer, dans une personne. Donc à partir de là, on dira que cette hypocrisie qui a été rappelée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de l'hypocrisie mineure et non majeure. Puisque en regardant le reste des textes, nous voyons que ces attributs-là, ces qualités-là, ou ces défauts-là, en l'occurrence ici, s'ils se retrouvent chez une personne, ces défauts ne la font pas sortir de l'islam. Donc nous ne pouvons pas expliquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici est un hypocrite par le fait qu'il est un hypocrite selon l'hypocrisie majeure, mais plutôt on dirait que c'est de l'hypocrisie mineure. Pareil pour de la mécréance, pareil pour de l'association, comme nous allons le voir ici. Et ce sont des choses que j'ai déjà évoquées précédemment, en particulier lorsque nous avons parlé de at-takfir, c'est-à-dire l'excommunion, c'est-à-dire le fait de juger un musulman comme ne l'étant pas, comme étant un mécréant. De même, j'ai évoqué ces sujets-là et certains de ces hadiths lorsque nous avons traité le sujet de la foi, l'iman et autres, si vous vous rappelez. C'est pour cela que j'ai donné en titre à ce nouveau chapitre la mise en pratique de, ou la mise en pratique ou exercice pratique de certains sujets que nous avons étudiés précédemment. Écoutez bien donc. Il dit, Hafidahullah, en effet, l'imam Ahmed a différencié les deux types d'hypocrisie. Dans le chapitre précédent, il parla de l'hypocrisie majeure. Ici, il nous rapporte des attributs de certaines personnes qui, lorsque ces attributs se retrouvent chez elles, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des hypocrites. Quelle hypocrisie ? L'hypocrisie mineure. Donc nous voyons que l'imam Ahmed ici a bien différencié les deux types d'hypocrisie. Entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que voici, dans le sens, il y a trois qualités et quiconque les possède est un hypocrite. Ici, Cheikh Rabi a dit dans le but de faire peur, comme donc la parole de l'imam Ahmed ici dans le matn, dans le but de faire peur. Cheikh Rabi rapporte cette parole, puis dit, c'est-à-dire que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne veut pas dire qu'ils sont hypocrites au niveau du dogme, au niveau de la croyance. Donc, al-nifaq al-i'tiqadi, donc la grande hypocrisie. C'est-à-dire que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne veut pas dire ici qu'ils sont hypocrites de la grande hypocrisie, au niveau de la croyance. Qu'ils cachent la mécréance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, non, il s'agit d'une autre hypocrisie. Quelle est cette autre hypocrisie? Celle que nous avons étudiée la semaine passée, qui est l'hypocrisie mineure. Et ce, dans le but de faire peur. C'est-à-dire qu'il a, cette personne-là, des traits des hypocrites. Il a des traits des hypocrites. Mais ce n'est pas un hypocrite pur. Puis, Shir nous dit, les savants appellent cela l'hypocrisie des actions, l'hypocrisie dans la pratique. Donc, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, il a trois choses, cette personne, il a trois choses. Et celui qui les réunit est un hypocrite. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Et lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. J'avais expliqué un petit peu plus en détail ce hadith dans l'explication d'un livre de l'Allama Rabi' ibn Hadi qui est titré dans une traduction approximative comme aide-mémoire concernant le hadith dans le suivi et la croyance. Une série de cours que j'avais donné ici, il y a quelque temps. Et donc ce hadith, je l'avais expliqué, donc j'avais détaillé ces sortes d'hypocrisie un peu plus en détail encore, si vous voulez revenir à l'explication de ce hadith. Il dit donc, dans une autre version, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, lorsqu'il se dispute, il devient pervers, et lorsqu'il signe un pacte, il trahit. Lorsqu'il signe un pacte, lorsqu'il prend un engagement, il trahit cet engagement. Puis, cher de dire, ce sont des caractéristiques. Ceci sont des caractéristiques. Est-ce qu'une personne qui, lorsqu'elle prend un engagement envers une autre personne, ne respecte pas cet engagement, est-ce que cette personne, on va la traiter de non-croyant? On va la faire sortir de l'islam? Non. Ceci, nous le savons par d'autres textes du Coran et de la Sunna, que cette personne-là aura commis un péché. Mais la croyance des gens de la Sunna est que nous ne rendons pas mécréant une personne pour un péché qu'elle aura commis du moment que ce péché n'arrive pas à ce niveau de la mécréance majeure qui le fera sortir de l'islam. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cette personne-là comme étant un hypocrite. Donc comment comprendre cette parole en réunissant les textes? Et ceci est la voix des gens de la Sunna. Ce sont des caractéristiques. Cela s'appelle les caractéristiques des hypocrites. Pour ce qui concerne les actions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mécréance cachée. Donc ce sont des musulmans. Ils n'ont pas caché la mécréance et affiché l'islam. Ce sont réellement des musulmans. Mais ils peuvent en avoir. Ils ont des signes. On voit sur eux des signes de l'hypocrisie. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui les réunit est un hypocrite avéré. » Il peut donc être un hypocrite à 100%, tout comme avoir l'hypocrisie des actions. Mais nous devons rester sur nos gardes face à celui qui manque à sa promesse, qui ment lorsqu'il jure, qui trahit lorsqu'on lui fait confiance et qui est pervers lorsqu'il se dispute. La science de la critique et de l'éloge. Al-jarh wa ta'dil. Ces attributs, comme on va le voir dans le cours après, la prière de Dhuhr, ces attributs qui, lorsqu'elle se retrouve chez une personne, est une personne qui sera critiquée et critiquable, de manière légiférée. C'est-à-dire que nous avons la médisance, qui est un grand péché. Médire ton frère est un grand péché, comme il est venu dans les textes du Coran et de la Sunna. Et afin de dégoûter et de faire fuir une personne de tomber dans la médisance, ce grand péché, Allah tabaraka wa ta'ala compara dans son livre la médisance, le fait de médire son frère, à manger la chair de son frère mort. C'est un très grand péché. Simplement, cette médisance, qui est le fait d'évoquer ton frère selon une chose qu'il déteste, cette chose deviendra licite et autorisée, peut-être même recommandée, peut-être même obligatoire à certains moments. Et il te conviendra à certains moments de mettre en garde contre une personne, même si c'est un musulman, en rappelant certains de ses mauvais comportements. Et nous voyons que, de manière générale, les gens de la masse n'ont pas de problème à évoquer une personne en mal à certains moments, mais à certains moments, elle le réprouve. Ceci est une erreur. Du moment que nous rentrons dans les cas licites de la médisance, ceci devient licite, peut-être même recommandé, peut-être même obligatoire. Et revenez, je l'ai déjà expliqué dans un sermon du vendredi, comme dans plusieurs cours. Revenez à la parole de Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, dans son explication du hadith sur la médisance dans son commentaire du Sahih de l'Imam Muslim, et pour quelque chose qui sera plus facile pour vous, le public francophone, à revenir vers cette parole, revenez dans son livre Riyad As-Salihin, lorsqu'il traite de la médisance. Il évoqua ces 6 points à propos desquels la médisance devient licite, ou ces 6 cas où la médisance deviendra licite. Et nous voyons, dans ces cas, le 3e ou le 4e, je ne me rappelle plus exactement, jarhu ar-ruah, le fait de critiquer les rapporteurs de la chaîne de transmission. Et il dit après cela, et il rentre dans cela, la mise en garde contre les gens de l'innovation et le conseil des musulmans. Et comme je l'ai dit, souvent, tu verras les gens de la masse ne pas trouver de problème si, par exemple, une personne qui est de mauvaise moralité s'avance pour demander sa fille en mariage. Si tu ne lui dis pas, et tu n'as pas le droit de ne pas lui dire, mais si tu lui caches les défauts de cette personne, il sera très en colère contre toi. Mais lorsqu'on parle de religion, bien sûr, vous l'avez compris ici, c'est aussi un cas religieux, donc les défauts religieux de cette personne, mais si on parle de religion, comme par exemple mettre en garde sur telle personne qui fait l'imama dans telle mosquée ou qui donne des cours dans telle mosquée ou autre, à partir de là, les gens diront non, là tu rentres dans la médisance, fais attention, c'est un grand péché, etc., etc., etc. Mais pour marier sa fille, tu es obligé de lui dire. Pour un commerce, acheter une voiture ou vendre une voiture, tu es obligé de lui dire. Il va commencer à t'insulter, à te dire tu es un kha'in, tu es un traître. Tu ne m'as pas dit que telle personne était quelqu'un qui était de telle et telle manière. quelle plus grande traîtrise que de se taire sur les défauts d'une personne qui viendra enseigner la religion aux musulmans dans les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala ou autre. Puis, Ashir de dire, Hafidahullah, par Allah, on doit penser du mal de lui et mettre en garde contre lui, car il y a en lui des signes importants qui font partie des signes des vrais hypocrites. On ne peut pas confirmer qu'il l'est, mais nous restons sur nos gardes. Puis il dit, certains prédécesseurs, parmi As-Salaf donc, disaient, dans le sens, on n'explique pas ce genre de hadith, on n'explique pas ce genre de hadith. Et d'autres en revanche les ont expliqués pour faire réplique contre les Khawarij. Car les Khawarij disent, celui qui possède un de ces signes est un mécréant à 100%. Ils ont traité les gens de mécréants par ce genre de conception. Al-Khawarij, comme cela le Mu'tazila, ceux qui font partie de Al-Wa'idiyya, comme on l'a déjà expliqué précédemment, ces gens-là ne font pas de différence entre l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. Dès qu'une personne a un signe de l'hypocrisie, quelque chose qui est venu dans ses hadiths, il l'applique à cette personne et à partir de là, c'est un hypocrite, il sort de l'islam. Car il lui donne l'appellation d'hypocrite, donc ils expliquent l'hypocrisie uniquement par l'hypocrisie majeure. Pareil pour la mécréance, pareil pour le polythéisme. Vous allez voir ici des exemples qui nous montrent que ceci n'est pas vrai, que cette absence de différence entre les textes est une voie erronée et n'est pas la voie des gens de la sunna. Puis il dit, Hafidahullah, quant à nous, qui nous ? Les gens de la sunna. Quant à nous, non, nous les citons pour effrayer et influencer seulement. Faites attention à sa parole, il l'a déjà répété plusieurs fois, Cheikh. Nous citons ces hadiths pour effrayer et influencer. Ceci est une méthodologie. Ceci est une méthodologie qui est la méthodologie empruntée par beaucoup de nos savants et de nos imams. C'est-à-dire que tu fais la différence entre le détail que tu devras faire à certains moments, lorsque tu donnes un cours de science, lorsque tu expliques à des gens qui auraient des ambiguïtés, lorsque tu veux réfuter des gens de l'innovation et des ambiguïtés, tu fais la différence entre cette position-là, cette place-là, et lorsque tu exhortes les gens. Lorsque tu exhortes les gens, il t'est permis de rappeler des hadiths pour faire peur aux gens et les faire fuir de ce genre de caractéristiques-là, sans détailler le fait que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hypocrisie, mais c'est de l'hypocrisie mineure, ne vous faites pas de soucis, ce n'est pas de l'hypocrisie majeure. Non, comme cela, vous vous rappelez, on a étudié ensemble le jugement de celui qui délaisse la prière. On a dit que les savants sont unanimes sur le fait que celui qui délaisse la prière, en reniant son caractère obligatoire, celui-là, sort de l'islam, mais celui qui délaisse la prière par fainéantise par exemple, celui-là, d'après l'avis de la majorité des savants, ne sort pas de l'islam. Simplement, certains parmi les savants, et c'est une parole, un avis, un des deux avis de l'imam Ahmed, rahimahullah, que cette personne-là, même s'il délaisse la prière avec fainéantise ou par fainéantise, celui-là sort de l'islam. Eh bien, les savants nous disent comme ceci est expliqué par plusieurs de nos savants comme Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Ils disent, il t'est permis de rappeler ces ahadiths sur le minbar, les ahadiths qui montrent, qui ont été utilisés comme preuve par ceux qui jugent de la non-croyance d'une personne qui a délaissé la prière, et ceci de manière absolue, de rappeler ces ahadiths sur le minbar le vendredi pour faire peur aux gens de délaisser la prière, pour les faire fuir de cette chose-là. Comme cela, ce genre de hadith qui montre des caractéristiques, et il n'était pas obligatoire de détailler. Peut-être que si, à certains moments, tu détailles le fait que ceci est de l'hypocrisie mineure, eh bien, ce que tu voudras par cette exhortation ne sera pas réalisé. Comme ceci, lorsque tu parles du mariage, du divorce, de certains sujets qui, à propos desquels il te faut employer des ahadiths et rapporter des ahadiths qui font fuir les gens de pratiquer certaines pratiques et font peur aux gens de tomber dans certains interdits. Ceci est un manhaj, une méthodologie qui est la méthodologie des gens de la sunna. Et pourquoi je rappelle cela aussi ici ? Pour ne pas s'empresser à juger ou à taxer une personne à certains moments de tel et tel c'est-à-dire qu'il soit tombé dans telle et telle erreur ou qu'il ait emprunté telle et telle méthodologie, simplement parce que, par exemple, à certains moments, comme par exemple, comme je l'ai cité ici, lors de la khutbah de Jumu'ah, il a évoqué des textes sans détailler, sans faire ce détail. Vous avez entendu la semaine passée que notre da'wah est une da'wah tafsiliya, une da'wah de détail. Al-da'wah al-salafiyya, c'est une da'wah détaillée. Tu ne peux pas parler de manière absolue aux gens, mais il te convient de détailler. Mais ce détail-là, à certains moments, tu n'auras ni le temps de le faire, ni ceci sera bénéfique pour les gens de le faire. Dans une khutbah du Jumu'ah qui dure 15 minutes, où les gens qui sont là sont des gens qui ont un certain besoin et qui viennent, pour rechercher l'exhortation hebdomadaire des musulmans, eh bien, ces personnes-là n'attendent pas de toi un détail, et peut-être que ce détail, ils ne le comprendront même pas. Donc à ce moment-là, il ne te conviendra pas de faire le détail. Et chacun en fonction du moment opportun qu'il trouvera pour faire ce détail et autre que cela. Donc ceci pour vous mettre en garde de se précipiter à taxer une personne d'innovateur, de personne qui suit telle et telle méthodologie. Puis il dit, hafidhahullah, par exemple, si quelqu'un engage un débat avec nous, nous expliquerons aux gens qu'il s'agit d'une hypocrisie des actions et d'une mécréance mineure. Parce que la mécréance se subdivise en mécréance majeure et mécréance mineure, tout comme l'hypocrisie se subdivise en hypocrisie majeure et hypocrisie mineure, et de même le polythéisme se subdivise en polythéisme majeur et polythéisme mineur. Puis il dit, hafidhahullah, or, la doctrine des gens de la sunna ne traite pas de mécréants ceux qui commettent les grands péchés. Par exemple, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que voici, ne devenez pas des mécréants égarés après moi en vous entretuant. Dans le sens de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, ne devenez pas mécréants égarés après moi, après ma mort. Comment ? En vous entretuant. Les khawarij traitent les autres de mécréants à cause de ce texte. C'est-à-dire que pour le khawarij, si deux groupes de musulmans s'affrontent, ce sont des mécréants. Et vous voyez qu'ils ont utilisé cela pour taxer nombre et nombre de musulmans, et ceci depuis l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis. Cheikh nous dit ici, les hommes de la sunna, donc ici on détaille encore une fois certains de ces hadiths que j'ai évoqués lorsque nous avons parlé du sujet de l'iman, de la foi. Ou dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci et cela. C'est-à-dire ici, ceci est de la mécréance. Mais est-ce que c'est de la mécréance majeure ou mineure ? Nous voyons, en prenant l'ensemble des textes, que ici, ce qui est évoqué, c'est de la mécréance mineure. Donc une mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est un grand péché, c'est quelque chose de très grave. Mais ça ne fait pas sortir la personne qui commet cette chose-là de l'islam. Comme cela, ce hadith que j'avais évoqué la semaine passée et la semaine d'avant, ce hadith qui est rapporté par Abu Dhar, radiallahu anhu, al-Ghifari, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Pas un serviteur croyant ne meurt en ayant prononcé « La ilaha illallah » sans qu'il rentre au paradis. » Voyons dans ce hadith le grand mérite de kalimat at-tawhid, de la parole d'unicité, « La ilaha illallah », point de divinité, digne d'adoration, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Abu Dhar de dire ceci, donc de s'exclamer, de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam ceci, même s'il pratique la fornication et vole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, même s'il pratique la fornication et vole. Et Abu Dhar de lui répondre et de répéter une deuxième fois, puis une troisième fois, même s'il pratique la fornication et vole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, même s'il pratique la fornication et vole, n'en déplaise à Abu Dhar. Et autre que cela parmi ces ahadiths, pourquoi ? Car dans certains ahadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit, le croyant ne pratique pas la fornication en étant croyant. Le croyant ne vole pas en étant croyant. Et ces hadiths, qui sont des hadiths authentiques, ont été utilisés par le Khawarij à leur manière et en suivant leur méthodologie pour appliquer ce jugement de manière absolue à celui qui pratique la fornication, à celui qui vole, à celui qui fait des grands péchés. Cette personne-là n'est pas croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas croyant au moment où il pratique la fornication. Donc, cette personne-là n'est pas croyant. Il est sorti de l'islam. Et pourtant, dans ce hadith, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme il le dit à Abu Dharr, n'en déplaise à Abu Dharr, ce dernier rentrera au paradis. Du moment qu'il meurt en disant « La ilaha illallah ». Donc il rentrera au paradis, donc il mourra croyant. Ici donc il dit « Hafidahullah ». Les hommes de la sunna disent « Non, ce n'est pas ainsi ». Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit dans une traduction approximative du verset « Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah ». Puis s'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables, les croyants ne sont que des frères. Comment nous comprenons de ce verset que deux groupes de musulmans, même s'ils se combattent les uns les autres, ils sont croyants? Il dit ce sont des frères, il termine le verset par ce sont des frères, mais dans le verset, lorsqu'il parle de leur combat, de leur affrontement les uns contre les autres. Hein? Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Aïe, Shabab. Faddal Salih. Ahsant. Ahsant Salih. Barakallahu fik. Il dit, tabaraka wa ta'ala, si deux groupes de croyants se combattent. Wa niqtatala ta'ifatani min al-mu'minin. Si deux groupes de croyants se combattent, même s'ils se combattent, Allah Azza wa Jalla les a appelés croyants. Il n'a pas nié cet attribut, ce qualificatif de croyant à ces personnes, même s'ils se sont combattus les uns les autres. Il dit, Hafidahullah, Allah leur a témoigné la foi ainsi que la fraternité dans la foi. Alors qu'ils se sont combattus, les uns ont brandi les épées sur les autres. Mais si celui qui brandit l'épée pour combattre son frère pense que cet acte est licite, il est alors mécréant. Ici, un détail que nous avons déjà évoqué précédemment. Si une personne rend licite cette chose, qui est une chose interdite, à partir de là, il sera mécréant, il sortira de l'islam. Pourquoi? Pour avoir combattu son frère? Aïe, Shabab. Pour quelle raison? Pour avoir rendu licite cette chose qui est illicite. Faites bien la différence entre ces choses-là. Ici, cette personne-là sera rendue non-croyant, elle sera jugée de non-croyant. Pas parce qu'il a combattu son frère, pas parce qu'il aura pratiqué la fornication, pas parce qu'il aura volé, toutes ces choses-là qui sont des grands péchés, sans aucun doute, mais parce qu'il aura rendu licite ici cette chose, qui est une chose illicite. Et s'il sait que le sang de ce musulman est sacré, mais le fait pour des raisons de passion, des fins personnelles, de haine, etc., alors qu'il sait que le combat est illicite, ce dernier n'est pas mécréant. Il n'a qu'une mécréance mineure, une mécréance des actions qui ne sort pas de la religion. Ceci est le détail des gens de la sunna. Puis il dit, Hafidahullah, c'est la raison pour laquelle ces hadiths auxquels se sont attachés les khawarij. Khawarij, ils sont encore présents, pourquoi on en parle encore? Ils sont encore là? Hein? Vous en connaissez? Bien sûr, ils sont encore là. Ils sont encore là. Certains d'entre eux ont des ambiguïtés de cette méthodologie, la méthodologie de l'Khawarij. C'est-à-dire qu'on voit que ces gens-là ne sont pas des Khawarij purs et durs, mais ils ont des ambiguïtés. Et ces gens-là, ils sont nombreux. Et comme je l'ai dit, beaucoup des gens de la masse qui n'apprennent pas leur religion tombent dans des ambiguïtés de l'Khawarij, comme on l'a déjà évoqué. Beaucoup des gens de la masse, lorsque tu leur dis tel et tel, même sans que tu leur dises, ils jugent d'eux-mêmes de telle personne ou de telle personne parmi, par exemple, les gouverneurs des musulmans comme étant des non-croyants. Il est sorti de l'islam, regardez ce qu'il fait. Et il aura commis combien de transgressions? La transgression de la méthodologie des gens de l'islam, de la méthodologie des gens de la sunna, lorsqu'il commence à parler sur les défauts du gouverneur en public, puis rappeler certains de ses défauts, sans même s'enquérir de la véracité de cela, puis juger de ses défauts comme étant de la mécréance majeure, c'est ce que nous comprenons chez cette personne lorsqu'il dit « Regarde, ce n'est même pas un croyant, il a fait telle et telle chose. » C'est une réalité. Ça veut dire que ces ambiguïtés-là, même si El Khawarij pur et dur, il y en a encore, mais ils ne sont pas aussi répandus que ces gens qui ont ces ambiguïtés de la voie de El Khawarij. Cela, il y en a plein. Et même, comme on l'a vu la semaine passée, des gens qui affichent la sunna. Comme l'a dit Cheikh, lorsqu'il parlait de l'hypocrisie, il parla de l'hypocrisie. La base de l'hypocrisie, c'est d'afficher l'islam et de dissimuler la non-croyance. Et il dit aussi, si vous vous rappelez, comme nous avons lu la semaine dernière, que certaines personnes affichent la voix, l'appartenance à la voix des gens de la sunna, mais en réalité, ce ne sont pas des gens de la sunna. Combien sont-ils ? C'est pour ça qu'il n'est pas un bon jugement de ta part lorsque tu juges une personne simplement par sa barbe, son kamis coupé au-dessus des chevilles, et certaines personnes lorsqu'ils te disent « Cheikh Ibn Uthaymin a dit, Cheikh Al-Albani a dit » et à partir de là tu dis « Cette personne-là est un salafi ». Plutôt, nous voyons, et je le rappellerai encore une fois avec un peu plus de détails lors de notre assise après la prière, cette parole très importante de ce grand imam de la sunna dans son livre important, ce traité des gens de la sunna. Rapprochez-vous s'il vous plaît les frères pour faire de la place à ceux qui arrivent. Barakallahu fikoum. Qui est titré « Sharh sunna » de ce grand imam, donc « Al-imam al-Barbahari ». Lorsqu'il dit « Il n'est pas autorisé à une personne de dire d'une autre « Un tel est une personne des gens de la sunna » jusqu'à ce qu'il sache, « Hatta ya'lam » jusqu'à ce qu'il sache, pas qu'il pense, qu'il conjecture sur le fait que cette personne est peut-être éventuellement des gens de la sunna. « Hatta ya'lam annahu » jusqu'à ce qu'il sache, qu'il a une science, que cette personne-là, les attributs, les fondements de la sunna se soient réunis tous en lui. Puis il dit, hafidahullah, c'est la raison pour laquelle ces hadiths auxquels se sont attachés les khawarij, afin de juger mécréants les musulmans qui commettent les grands péchés tels que la fornication, la consommation du vin, le fait de combattre les musulmans, etc., ont été expliqués par les hommes de la sunna, à l'instar d'Abu Ubaid. Abu Ubaid, c'est ce grand imam Al-Qasim ibn Sallam. Abu Ubaid, qui est mort en quelle année? Abu Ubaid, il était contemporain de l'imam Ahmed et c'était un grand imam à l'époque de l'imam Ahmed. Il est mort en 224 de l'Hégire. Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam. À l'instar d'Abu Ubaid ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, qui est mort en quelle année? Ahmed. Hein? Qui a dit 728? Ahsant, Allahumma barak. Barakallahu fikum. 728 de l'Hégire. Ahmed ibn Abdil Halim ibn Abdil Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah, qui est mort en 728 de l'Hégire. À l'instar d'Abu Ubaid ibn Taymiyyah et le reste des imams de l'islam, de la même manière que nous l'avons déjà expliqué. Ici, pourquoi il évoqua Abu Ubaid, Cheikh, car il a un livre qui est très connu, qui est un livre de base, un livre fondamental chez les gens de la sunna concernant ce sujet-là, qui s'appelle Kitabu al-Iman, le livre de la foi, qui est un petit livre qui a été vérifié et authentifié et édité par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. C'est-à-dire vérifié et authentifié par Cheikh Al-Albani à son époque, donc il a été édité. Kitabul Iman, qui est un livre de référence chez les gens de la sunna. De même que Kitabul Iman d'Ibn Abi Shayba. Ibn Abi Shayba, qui fait partie des grands imams de la sunna. C'est un livre de référence. Ibn Abi Shayba, qui s'appelle Abu Bakr. Et Abu Bakr, c'est sa kunya, il s'appelle Muhammad. Donc, il s'appelle Abdullah, pardon, son père s'appelle Muhammad. Abdullah ibn Muhammad. Donc, et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, pourquoi il évoqua Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah? Ceci est important car il a deux livres très importants qui traitent de la foi qu'il a appelé ces deux livres-là, Al-Iman. Et les gens de science les ont appelés Al-Iman Al-Awsat ou Al-Iman Al-Kabir. Donc, le livre de l'Iman moyen. Et le livre de l'Iman, le grand livre de l'Iman, de la foi. Donc le livre moyen de la foi et le grand livre de la foi. Et en réalité, l'Iman ou l'Awsat, donc le livre moyen de la foi, en réalité c'est l'explication du hadith de Jibril. C'est pour ça que parfois il est édité sous ce titre, explication du hadith de Jibril, et parfois sous Al-Iman al-Awsat. Et Al-Iman al-Kabir, c'est Kitab al-Iman de Cheikh al-Islam Taymiyyah. Moi-même, ce qui est à retenir, c'est que c'est un livre très détaillé, où Cheikh explique tout ce qu'il y a à savoir sur la foi et la méthodologie des gens de la sunna et la méthodologie des gens de l'innovation, et il les réfute de la meilleure des manières dans ce livre-là, ou dans ces deux livres-là, et en particulier dans Al-Kabir, puisque Al-Kabir, c'est comme une explication de son livre La foi, le moyen, donc le plus petit livre, le plus petit ouvrage qui traite de la foi. Puis il dit, de même le hadith suivant, le fornicateur n'est pas croyant lorsqu'il fornique, comme je l'ai évoqué précédemment. Puis Shir nous dit, la sharia se comprend dans sa totalité. Ici le résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui et de ce que nous avons vu dans l'introduction de ce livre et de ce que nous avons vu étudier tout au long de notre étude de ce livre. La sharia se comprend dans sa totalité, c'est-à-dire la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala se comprend dans sa totalité, et ce en regroupant les textes. Mais ceux qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Comme vous le savez, ceci est une partie d'un verset de Sourate Ali Imran que j'ai déjà rapporté à de nombreuses reprises. Ceci est la voix des gens de l'innovation. Ceux qui mettent l'accent sur les versets équivoques, ces gens qui ont une inclination vers l'égarement, qui mettent l'accent sur des versets équivoques, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Nous l'avons vu dans Hadith Yazid, hein, Al-Faqir. Yazid Al-Faqir, lorsqu'il était venu voir Jabir ibn Abdillah avec un groupe de Khawarij, et que Jabir ibn Abdillah l'avait conseillé, ce hadith qui est appelé comment? Ahsant, hadith al-Jahannamiyin. Ces gens, qui sont les Jahannamiyoun? Damien, tafadhal. Ahsant, ce sont les croyants qui passeront par l'enfer avant, qu'Allah nous en préserve, avant de terminer au paradis. Ils seront appelés par les gens du paradis Al-Jahannamiyin. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par Jahannam. Donc ce hadith, de même que le hadith que j'avais déjà évoqué sur le débat qu'a eu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma contre Al-Khawarij. Tous ces gens de l'innovation se retrouvent dans certaines caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, déjà, quand tu prends les caractéristiques des gens de la sunna, tu sais que l'inverse de ces caractéristiques, le contraire, se retrouvera chez les gens de l'innovation. De même, ou, comme je l'ai dit, faites bien attention, ou une de ces caractéristiques, comme un de ses fondements, comme on l'a déjà dit, barakallahu fikoum, ce n'est pas une condition pour qu'une personne sorte de la sunna, fasse partie des gens de l'innovation, d'avoir été à l'encontre de l'ensemble de ses fondements. À partir du moment où elle a été à l'encontre d'un seul de ses fondements, elle ne fera pas partie des gens de la sunna. Il peut croire en l'ensemble de ses fondements, mais voir la légitimité de la révolte contre le gouverneur, ce sera un khariji. Voilà, karama. Ce sera un khariji. Et nous ne nous arrêterons pas sur le fait que sur les noms et attributs, il voit comme les gens de la sunna, sur tel et tel point, il voit comme les gens de la sunna. Non, il a été à l'encontre d'un des fondements. Sinon, pourquoi appelons-nous ça un fondement? Qu'est-ce que veut dire un fondement? Nous l'avons déjà étudié par le passé. Barakallahu fikoum. Et ceci donc est la voix de l'ensemble des gens de l'innovation, le fait qu'ils mettent l'accent sur des versets à équivoque. Et ils cherchent à semer le trouble et la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Quant à ceux qui sont bien enracinés dans la science, voici leur méthodologie, leur manhaj. Regrouper les textes, les harmoniser et les associer de telle sorte qu'il soit possible de les mettre tous en valeur. Puis il dit, Hafidahullah, ce qui est à retenir, c'est que celui qui dit à son frère, ô mécréant, l'un des deux l'est. Vous connaissez ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens, celui qui dit à son frère, celui qui taxe son frère de mécréant, eh bien, cette parole revient vers lui si cette personne n'est pas un mécréant, comme il est venu dans plusieurs versions de ce hadith. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'une personne qui taxe son frère mécréant, il lui dit, tu es un mécréant? Et que cette personne n'est pas un mécréant, cette parole revient sur lui et lui-même devient un mécréant? Comment comprenons-nous ce hadith, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a bien employé le terme de mécréant? Quelle est cette mécréance? Nous comprenons ce hadith à la lumière des textes et à la lumière de la méthodologie des gens de la sunna, le fait qu'il existe deux sortes de mécréances, mineures et majeures. Donc à partir de là, nous savons par d'autres textes que le fait de taxer son frère de mécréant fait partie des grands péchés, mais ceci n'est pas de la mécréance. Ou si ceci est de la mécréance, comme il est venu dans ce hadith, à partir du moment où nous n'interprétons pas ce hadith, nous dirons que c'est de la mécréance mineure et non majeure. Lorsque l'on dit que ce n'est pas de la mécréance, c'est-à-dire ce n'est pas de la mécréance majeure. Et si nous disons que c'est de la mécréance, comme il est venu dans le hadith, quelle sorte de mécréance? Donc détail de la mécréance mineure. À l'inverse de l'Khawarij, qui eux ne font pas de détails. Il s'agit là d'une mécréance donc mineure, comme le dit Ash-Shir ici, Hafidahullah. Puis il termine en disant, l'auteur dit, donc l'imam Ahmed, rahimahullah, et le reste des hadiths similaires qui ont été authentifiés et mémorisés, nous les acceptons même si nous ne connaissons pas leur explication. Nous pratiquons ces textes même si nous ne savons pas comment pratiquer un texte? Non, ça c'est la voie des gens de l'innovation. Parmi eux, As-Soufiyya. Et parmi eux, As-Soufiyya, Al-Asriyya. C'est-à-dire la Soufiyya de ce siècle-là. Qui? Jama'atut Tablir. Qui eux, lisent Riyadus Salihin, c'est-à-dire des preuves, des textes, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois dans Riyadus Salihin, comme vous pouvez le voir, des versets du Coran. Et ils les lisent pour les appliquer, sans en comprendre le sens. Ce n'est pas parce que tu as lu une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette parole, tu l'as comprise et tu peux l'appliquer directement. Certes, il y a des textes que tu peux comprendre, il y en a d'autres que tu ne peux pas comprendre. Juste une petite anecdote, entre guillemets. Une personne qui... C'est une histoire vraie, donc. Une personne qui avait son enfant en bas âge qui était malade en Égypte. Elle a eu vent du hadith qui se trouve dans les deux recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ses paroles, certes la fièvre vient du souffle de l'enfer. Refroidissez-la donc avec de l'eau. Qu'est-ce qu'il est parti faire donc cette personne-là après avoir eu vent de ce hadith? Prendre de l'eau bien froide, presque glaçonneuse, et la vider sur son fils en bas âge qui avait de la fièvre. Ceci, sans aucun doute, est une mauvaise interprétation. Il a lu le hadith, il lui est parvenu le hadith. Le hadith est clair, mais cette personne-là a donné sa propre interprétation avec sa raison. Et c'est une interprétation que autre que lui aurait pu donner. En revenant, par exemple, ici, puisque ici on parle aussi de médecine, en revenant vers les médecins, ils te disent que lorsqu'une personne, effectivement, est fiévreuse, tu calmes la fièvre en mettant de l'eau, et cette eau doit être à température ambiante, voire à la même température que le corps de la personne. C'est-à-dire qu'une personne qui serait à 40 degrés, tu lui mets de l'eau qui serait à 37 degrés, par exemple. Donc de l'eau tiède. D'accord ? Ou de l'eau un petit peu plus fraîche. Mais tu ne vas pas mettre de l'eau glacée, vider de l'eau glacée sur un enfant en bas âge qui, lui, à une température élevée de 40, par exemple. Ceci relève de la sottise. Malgré cela, cette personne-là avait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en aucun cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'eau glacée. Mais il dit, refroidissez-la avec de l'eau. Avec de l'eau. Pas avec de l'eau glacée, mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est que cette eau. Donc on a un exemple d'une personne qui a voulu suivre la sunna avec un hadith, mais qui a fait du mal plus que du bien. Ici, je termine sur ça. Donc, le Shir conclut en disant, et le reste des hadiths similaires qui ont été authentifiés et mémorisés, nous les acceptons même si nous ne connaissons pas leur explication. Ceci constitue en effet une modestie de la part de l'imam Ahmed, car il peut vouloir parler d'un commun des gens. N'importe quelle personne rentrerait dans cela. Nous rentrons de manière générale dans cela. Ces derniers ne connaissent pas leur explication et les acceptent simplement. Quant aux jurisconsultes et les enracinés dans la science, à l'instar de l'imam Ahmed, il les explique à la manière des hommes de la sunna. Il a combattu les khawarij qui s'attachent à ces textes. Il a combattu les murji'ah qui s'attachent aux textes liés aux promesses. Il a combattu toutes les sectes, ce qui prouve insuffisance que cet imam de la sunna, que c'est un imam de la sunna, il connaît également l'explication de ces hadiths. Donc Cheikh conclut en disant que ceci fait partie de la modestie de cet imam, l'imam Ahmed, comme autre que lui, comme l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i, l'imam Al-Bukhari, l'imam Muslim, qui eux pouvaient, avaient la science pour expliquer ces hadiths, mais par modestie, il dit, et aussi pour nous faire comprendre à nous, puisque ce traité s'adresse aux gens de la sunna dans leur ensemble, pas forcément les savants, les étudiants en sciences, mais les gens de la masse, parmi la masse des gens de la sunna. Quelle est la voix des gens de la sunna? Yarhamukallah. Quelle est la voix donc des gens de la sunna? Leur voix est qu'ils restent et il est que ces hadiths et les hadiths similaires qui ont été authentifiés et mémorisés, nous les acceptons même si nous ne connaissons pas leur explication. Du moment que ça vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a dit ici, du moment qu'ils ont été authentifiés, nous les acceptons. Même si nous ne comprenons pas l'explication, nous l'acceptons, il vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je termine juste sur cela. Ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si la mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il ne jette pas la mouche, mais plutôt qu'il la submerge en entier. Car, puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donna une explication et nous dit, car il y a sur l'une de ses deux ailes un mal et sur l'autre sa guérison. Une personne qui s'appelle, je ne sais plus si c'est Mohamed el-Ghazali ou si c'est Saïd al-Ramadan al-Bouti, dans tous les cas, ces gens-là, ce sont des gens qui s'apparentent à la secte de l'Ikhwan et qui suivent cette voie égaré et innové, qui disait « Comment puis-je faire cela? Comment ma raison peut-elle accepter de prendre une mouche qui est déjà tombée dans mon verre et de la submerger dans l'eau? Non, je prends la mouche et je la jette. » Malgré que ce hadith se trouve où? Dans les deux recueils authentiques, dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim. Donc c'est un hadith qui est authentique, il a été accepté par l'ensemble de la communauté depuis leur époque jusqu'à aujourd'hui. C'est un hadith authentique, il n'y a pas à se poser de questions. Malgré cela, tu dis « Comment ?» Je peux faire cela? Comment ma raison peut accepter cela? Comment je prends une mouche et je la trempe dans mon verre et après je bois ce verre-là? Non, je prends la mouche et je la jette. Il a donc opposé ce texte-là, ou il a plutôt opposé sa raison à ce texte authentique qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas la voix des gens de la sunna, ce n'est pas la voix des gens de l'islam, des croyants qui disaient « Sami'na wa ata'na ». Nous avons entendu et nous avons obéi. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne dans cela, dans ce hadith, c'est qu'il y a un bien pour toi. Et même si tu ne le comprends pas et que tu n'as pas de preuves scientifiques sur le fait que ceci a réellement un effet, eh bien tu crois as-sadiq al-masdouq, le véridique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.